Le tapis crépite sous mes pieds lourds, nuit noire, et je puis voir comme s'il faisait jour. C'est flou, je fais le point, le froid m'esquinte les mains, mes doigts. Chris tremble et mette des plaintes stridentes. Je les cache dans mes sales gants, pas à ma taille, et j'arpente à nouveau l'appartement. À chaque pan de mur, je sens mes tympans subir les changements de surface et d'espacement. C'est fugace, mais c'est badant. Irriguer mon corps palpite, je suis à fond. Mon cœur s'active et bat vite, de plus en plus vite. Dans l'inaction apparente, je me fatigue et ça fait peur à vivre. Mes yeux roulent lentement sur le crépi beige. Mes yeux rouges roulent sur le crépi et je m'affale. Le cul presque avalé par ce vulgaire canapé qui pue pas laver. Ça fait 2-3 années, je suis sûr, Satan est issu. Voilà, mais je suis dessus depuis déjà gavé de minutes. Je stagne, mais le temps me nargue, je sens trop. Overdose d'informations, mes sens dansent. Le limbo, sitôt que je sors d'un décor aseptisé. À chaque vision, je vois à la fois le décor, le sujet présent, sa matière, son odeur et son ombre. Mais ils sont si nombreux, une masse immense de données à démembrer pour ne capter que la moelle. Apportez-moi un nouveau-né, pure pensée simple, sans dédain, sans les feintes, sans les interdits de nos cerveaux asservis et serviles. J'étais fibrile en continu, je crois que je ne supporte plus. De plus en plus de bus, de pustules m'agressent. De petites particules de graisse malmènent ma santé mentale. C'est le mal qui parle dans ma tête et compartiment pour son étude comportementale. J'ai des hurlements d'âme dans la tête à la Vandame. L'avantage, je suis dans le film mais j'ai le droit de faire le montage. Du coup fin au chevet, au confus, confins du présent qui conflue. Je vais dans un univers froid en pleine expansion, un parcours orbital entre haine et tension. La matière appelle la matière, l'argent appelle l'argent, tourne tous autour dans de la sans atermoiement. Pourquoi veux-tu que je me déplace? La révolution, un retour au point de départ. Combien croule sous la voûte céleste, trop c'est trop. Sprain pour Atlas avec de l'arthrose aux épaules. Ma pupille, une étoile mortifère qui perçoit le sortilège des bacs ordinaires. Un regard fait de glace où le glace se débat, se dématérialise, se déplace puis apaisame vers l'abîme. Lorsque vibrent les fils de la vie dans un hymne à la voix cristalline.